Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Françoise Sagan. Écrivez-vous facilement? Oui, très facilement. J'écris, une fois que j'ai le roman à peu près en plan dans ma tête, c'est assez facile pour l'écrire. Mon premier livre, je l'ai écrit, j'y ai pensé pendant 6 mois et je l'ai écrit en 1 mois. Et le second, j'y ai pensé pendant 2 ans à peu près. Et puis, j'ai écrit en 2 mois. Françoise Sagan, au micro de Georges Stroller en 1956. Dans cet extrait, Françoise Sagan affirme assez candidement « écrire avec facilité ». C'est déjà le signe de l'importance qu'auront les mots et la littérature pour elle. Très jeune, Françoise Sagan dévore les grands auteurs français et américains, Stendhal, Rimbaud, Gide, Camus, Faulkner, Hemingway et tous les autres. Très jeune, elle va connaître aussi le succès comme auteur. « Bonjour Tristesse », publié en 1954, la rendra célèbre mondialement et avec cette célébrité naîtra la légende Sagan. Ici Georges Stroller qui vous parle de Paris. Françoise Sagan, à 18 ans, a conquis une gloire mondiale avec un court roman, Bonjour Tristesse. Elle a 20 ans aujourd'hui. Son second livre, Un certain sourire, vient de paraître et son succès initial prouve que Mademoiselle Sagan n'est pas chanteuse d'une seule chanson, comme cela arrive assez souvent. Et voici notre première question. Est-ce que votre titre est un programme? Est-ce que vous voulez montrer par cela que vous avez dépassé la tristesse? Oui, Un certain sourire, c'est le sourire de quelqu'un qui jette un regard ironique sur sa propre vie. Même pas ironique d'ailleurs, mais... un espèce de sourire à reconnaître les choses telles qu'elles sont. De quoi s'agit-il dans votre roman? Une histoire d'amour, c'est l'histoire d'une passion entre une jeune fille et un homme. Un homme plus âgé qu'elle? Un homme plus âgé, oui, marié. Alors en dépit du titre, c'est un livre plus triste que votre premier? Oui, ce livre, l'histoire est assez triste, mais le ton n'est pas triste, parce que c'est quelqu'un d'assez lucide et gai. À nouveau, Françoise Sagan au micro de Georges Stroller en 1956, à l'occasion donc de la parution de son second roman, Un certain sourire. Pour nous parler de la vie et de l'œuvre de Françoise Sagan, je reçois André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir et grand admirateur de Françoise Sagan. André Lavoie, bonjour. Bonjour Jacques. Vous teniez, André, à faire cette émission. Ce qui est intéressant quand on parle de Sagan, c'est que c'est bien sûr une auteure, c'est une œuvre, c'est un personnage, ça va devenir une légende. C'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, d'abord et avant tout dans tout ça? Bien, d'abord, j'ai découvert Françoise Sagan, non pas en lisant ses livres, mais grâce à un documentaire dans une série intitulée « Un siècle d'écrivains ». Françoise Sagan était longuement interviewée et l'entrevue est entrecoupée d'extraits de « Bonjour Tristesse » et « Avec mon meilleur souvenir », extraits lus par Jeanne Moreau. Alors, je suis littéralement tombé sous le charme et quelques mois après la diffusion de ce documentaire, j'avais lu tout Sagan. Et j'ai été littéralement conquis par cet univers très, très loin du mien, je dois l'avouer. Et c'est pour ça, entre autres, que ça m'a plu autant. Et après, je me suis plongé et j'ai lu de nombreuses biographies de Françoise Sagan. Et j'avoue que j'ai pris autant de plaisir à lire et à découvrir sa vie que son œuvre, parce que c'est à la fois... je dirais même que c'est encore plus fascinant que toute son œuvre littéraire. Elle est l'héroïne principale de son univers. Très, très riche comme univers et comme vie. Et ça se nourrit mutuellement, tout ça. Parlons de son nom de plume. Françoise Sagan, c'est un nom de plume. Ça nous en dit... Elle naît Françoise Quarez. Et le choix de Sagan, ça nous en dit déjà un petit peu sur son amour de la littérature. Pourquoi? Ça nous en dit beaucoup parce que, d'abord, son père, Pierre Quarez, a refusé que pour son premier roman, elle se nomme Françoise Quarez parce que lui disait, écoute Françoise, il y a seulement qu'un Quarez dans l'annuaire, alors on va être harcelé par les journalistes, donc change de nom. Et Françoise Quarez était déjà une lectrice vorace et elle avait déjà lu, voire même relu Proust. Et c'est un personnage tout à fait anecdotique dans La recherche du temps perdu dont elle va choisir. C'est un prince qui encore là est pas du tout anecdotique, mais pas du tout très révélateur. Donc, elle va va choisir le nom de Sagan et ça sera son nom et on aura même un qualificatif pour décrire son œuvre. On parlera de quelque chose de saganesque. Ah bon. C'est une femme qui naît dans un milieu bourgeois. C'est une bourgeoise, Françoise Sagan. Pas, par ailleurs, pas très bonne élève. Vous le disiez, elle s'intéresse très, très jeune à la littérature, aux mots, aux livres. En fait, il y a deux affaires qui l'intéressent quand elle est jeune, André Lavoie. C'est les livres et la bohème. Tout à fait. Et ça sera, en fait, une constance dans sa vie. Elle ne fera que ça. Mais adolescente, jeune fille, bon, elle naît un peu avant la guerre, en 1935. Pendant la guerre, elle aura une scolarité assez erratique. Et après la guerre, en fait, elle sera pas plus intéressée à aller à l'école. Elle va faire des colbutionnaires, non pas des journées entières, mais des mois entiers. Elle va lire beaucoup. Elle va vagabonder énormément dans Paris. Et ça va nourrir son œuvre. Ça va nourrir son univers. Mais c'est évident que lorsqu'elle arrivera à la Sorbonne en philosophie, elle va passer plus de temps dans les cafés avec ses amis, dont Florence Malraux, oui, la fille d'André Malraux, qu'à faire ses cours. Et on raconte même que, même si elle n'était pas très appliquée à l'école, elle va reproduire et copier et réécrire des travaux de beaucoup de ses amis. Elle va faire ça avec une facilité déconcertante, mais pour ce qui est de se présenter en classe, c'est très rare. Bonjour Cécile. Bonjour Raymond. Bien dormi? Bien réveillé? Je suis toujours mal, contrairement à toi. C'est une injustice révoltante. Attends d'avoir mon âge. Comment va Elsa? Elle dort. Mais regarde cette mère admirable. Il est grand temps d'aller jeter dedans. Quelle vitalité! Elsa! Encore deux fois. Pourquoi? Ça porte bonheur, toi. Même trois cailloux? Bien sûr. Elsa? Elsa! I live with melancholy. My friend is vague distress. I wake up every morning and say bonjour, tristesse. Extrait de la chanson interprétée par Juliette Gréco, Bonjour Tristesse. Vous entendiez aussi un extrait du film Bonjour Tristesse, réalisé par Otto Preminger en 1958. Un film, une chanson, c'est déjà dire André Lavoie, et ça vient très très vite après la publication du roman 54, l'immense succès que connaîtra son premier roman, François Sagan, Bonjour Tristesse, en 54. D'abord un mot sur, elle est très très jeune, elle n'a pas 20 ans quand elle écrit ça. Dans quelles circonstances elle écrit ce roman-là? Un peu par désœuvrement, durant l'été, elle disait aux gens « je vais écrire un roman » et elle ne s'y mettait pas. Et à partir du moment, elle se disait « ben, faudrait que mon mensonge devienne une vérité ». Et elle a travaillé avec beaucoup, beaucoup de ferveur à écrire ce roman-là. Elle n'était pas certaine de sa valeur. Ce sont ses amis, dont Florence Malraux, qui l'ont convaincue d'aller porter le manuscrit à certains éditeurs, dont Plon et Julliard. Et c'est Julliard, René Julliard, qui sera assez rapide et qui, en l'espace de quelques mois, aura reçu le manuscrit et trois mois plus tard, le livre sera imprimé. Et après ça, connaîtra un succès non seulement français, non seulement européen, mais mondial. Ça change sa vie, elle, complètement. Ça change totalement sa vie parce qu'elle passe d'une jeune inconnue à une jeune célébrité. Elle vend non pas des milliers, mais des millions d'exemplaires de ce livre traduit en plusieurs langues et un livre que même le Vatican va fortement déconseiller aux jeunes lecteurs à cause du caractère un peu immoral du personnage de Cécile que certains rapidement vont assimiler à celui de François Sagan. Mais François Sagan s'est toujours défendu d'avoir écrit un roman autobiographique et vraiment, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça raconte et pourquoi ça a un tel impact? D'abord, ça raconte une histoire, dans le fond, assez simple, presque banale, l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son père. Son père est veuf et il a une ou deux maîtresses. Et en fait, cette fille-là est quand même, j'allais dire, amoureuse, en fait, très, très admirative devant son père. Et l'idée qu'une autre femme puisse voler son père, ça lui est intolérable. Alors, pendant un été à Saint-Donat où elle ne fait pas grand-chose, arrive un drame qui va faire en sorte que la rivale sera écartée. Alors, il y a toutes sortes d'ambiguïtés, d'ailleurs, dans le livre, parce qu'on croit à un moment que c'est peut-être elle qui a assassiné la compagne de son père. Et en plus, cette jeune fille-là a un amant. Et, oh! sacrilège, Cécile, cette jeune femme-là, a des relations sexuelles, mais ne tombe pas enceinte. Mm-hmm. Donc ça, ça semble banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pratiquement vu comme une provocation à cause du conformisme et du moralisme des années 50 qui faisait que c'était pas possible qu'une jeune fille libre puisse aimer un homme hors du mariage et qu'elle ne soit pas punie par le fait qu'elle tombe enceinte. Donc, alors, impact énorme, énorme, vente tout aussi énorme. Elle devient instantanément, je le rappelle, n'a pas encore 20 ans, riche et célèbre. Mm-hmm. Plus que ça, avec ce que vous avez décrit, l'impact qu'a ce livre-là, ça, la légende Sagan commence déjà à la publication de Bonjour Tristesse. Oui, tout à fait, parce que non seulement elle a de l'audace, mais elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinvolture. En entrevue, elle change de sujet, elle parle de son œuvre avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'humilité aussi. Elle est elle-même surprise par le succès mondial de son livre, mais rapidement, et c'est à la fois ce qui va l'aider dans la vie, mais ce qui va aussi la détruire, c'est que le fait d'avoir autant d'argent et autant de succès rapidement va faire en sorte qu'elle va réaliser son rêve ultime, à savoir mener une vie de bohème, ouais, faire ce qu'elle veut. Sans limite. Sans limite, sans contrainte. Et ça, ben, le fait qu'elle n'en ait aucune contrainte, ça va définir tout le reste de sa vie. Et ça va, d'une certaine façon, causer sa perte. Ouais. Vous parliez de la façon dont elle parle elle-même de sa littérature. C'est intéressant parce qu'on va l'entendre, justement, ce ton qu'elle a pour parler de sa propre littérature dans l'extrait qui suit. Elle publie Bonjour Tristesse en 54, mais tout de suite après, un deuxième roman qui est aussi un très, très grand succès, Un certain sourire. Les succès vont s'enchaîner, vraiment, pour elle, l'un après l'autre. Écoutez-la, c'est savoureux, de répondre aux questions de Pierre Jancard à l'émission Présent en juin 1969. Est-ce qu'il y a, c'est très prétentieux, mais est-ce qu'il y a une philosophie à tirer de votre œuvre? Personnellement, alors, je n'ai jamais pensé à ça. Vous voyez, moi, j'écris des romans parce que ça m'intéresse. Je mets des personnages qui m'intéressent, moi, et après, les gens lisent, et s'ils en tirent, eux, une philosophie, ça les concerne. Moi, je ne... N'oubliez pas que toute une génération a lu Sartre ou a lu, à d'autres époques, Malraux, ou Camus, et que on a dit aussi qu'on lisait Sagan un peu comme on a lu Camus. Oh non, non, quand on parlait de Sartre ou de Malraux, la comparaison est un petit peu trop à mon désavantage quand même. Ce sont quand même des maîtres à penser. Moi, je suis une romancière, c'est pas pareil. Mais vous dépeignez une époque. Mmh? Vous dépeignez une époque. Je parle d'une certaine époque, d'un certain milieu, mais ça ne veut pas dire pour autant que je sois une philosophe, ni que j'ai des choses primordial à enseigner aux gens. Vous croyez que vous n'avez rien à dire? Je ne crois pas que j'ai rien à dire. Je crois que ce que j'ai à dire, je le dis, mais que je ne pense pas que ça puisse... que quelqu'un, qu'un jeune homme qui lise mes livres se lève le matin en disant « Ouf, je sais enfin ce que j'ai à faire, je vais faire ci et ça. » Ça m'étonnerait. En somme, vous pensez que vous n'apprenez rien aux gens, là? Si, je peux leur apprendre des petites choses sur eux-mêmes, sur leur vie privée, sur leur... quelquefois sur leur sentimentalité... Je peux apprendre certaines petites choses, mais je ne peux pas leur apprendre une manière de vivre. Cette humilité dont vous parliez, André Lavoie, on l'entend dans cet extrait. Est-ce que c'est de l'humilité ou si ce n'est pas de la lucidité? Mais en tout cas, un certain détachement aussi. Il faut voir, moi j'écoutais l'extrait plus longuement. Elle est presque exaspérée à un moment donné de ce journaliste qui veut absolument lui faire dire qu'elle compte, qu'elle influence toute une génération. La question de base, pourquoi lit-on Sagan? Pourquoi autant de monde lit Sagan? Ben écoutez, on disait d'elle, et ça peut faire sourire, qu'elle était la dernière des existentialistes. Et lorsqu'on parle de philosophie, tout ça, moi, ça me fait rire parce que je suis prêt à défendre cet aspect-là de l'œuvre de Sagan, à savoir, tous ces personnages savent une chose. Dieu est mort, tout est permis. Alors, le côté bohème, un peu déjanté, immoral... Tout ça fait en sorte que les personnages de Sagan, pour moi, sont très attachants parce que, justement, ils affichent une liberté très insouciante. Et il faut dire que c'est parfaitement en accord avec l'époque. On sort de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le début des Trente Glorieuses, une époque de grande prospérité économique en Occident. Et ces personnages-là vivent un peu avant tout le monde, un peu avant les gens qui lisent ces romans-là, cette insouciance, cette légèreté, cette richesse, cette désinvolture qu'ils vont vivre eux-mêmes plus tard. Alors ça, pendant plusieurs années, voire des décennies, les romans de Sagan seront totalement en accord avec cet aspect-là de la société occidentale et particulièrement de la France. D'ailleurs, François Sagan aura cette observation absolument savoureuse en disant que la France se nourrit de mieux en mieux, mais qu'elle est de plus en plus mal élevée. Alors, cette richesse-là va évidemment, j'allais dire, contaminer ces personnages. Et c'est pour ça qu'il y a une véritable concordance presque entre ce que l'Occident va vivre, ou la France particulièrement, et ce que l'on retrouve dans les romans de Sagan, qui, bien sûr, n'ont rien à voir avec ceux, par exemple, de Georges Simenon, où là, on est dans un tout autre environnement, mais qui ont autant de succès. Mais Sagan, comme on dit, la dernière des existentialistes, moi, je trouve quand même ça pas fou comme façon d'aborder son œuvre. Et synchronicité avec son temps, donc. Tout à fait. Et on vieillit avec l'auteur, les personnages, l'univers en bourgeois. C'est intéressant. Elle sera très, malgré son immense succès, elle sera très, très, et tout au cours de sa carrière, elle sera très critiquée, Françoise Sagan. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Ben, on lui reproche ce que certains critiques ont appelé sa petite musique, et aussi des cadres assez familiers. C'est la bourgeoisie parisienne, ou lorsque la bourgeoisie parisienne s'égare, c'est à la campagne, dans des environnements tout aussi chics et tout aussi désinvoles. Donc, on lui reproche cette répétition-là, en apparence. On lui reproche, dans le fond, la minceur de ses intrigues, où ce sont souvent ce que j'appelle des intrigues triangulaires, c'est-à-dire deux hommes et une femme, beaucoup un côté un petit peu fait d'eau, c'est-à-dire que tout le monde se trompe, mais on claque les portes pas très fort parce qu'on veut pas se faire entendre, on veut pas se faire prendre. Donc, il y a ça beaucoup chez Sagan, mais en même temps, comme un critique littéraire disait, j'étais assez d'accord avec lui, les intrigues sont parfois minces, mais les phrases sont souvent sublimes. On ne lit pas Sagan parce qu'on veut se plonger dans un thriller haletant, ou on veut être surpris par des revirements de situation rocambolesques. On se plonge dans Sagan dans un univers confortable, de plus en plus familier lorsqu'on lit ses 40 livres, et en même temps une richesse, une facilité aussi, mais pas une facilité paresseuse, parce que contrairement à ce que l'on croit, Sagan a travaillé beaucoup, plusieurs manuscrits, et beaucoup d'amis sont là pour en témoigner à quel point elle piochait assez durement sur sa dactylo à l'époque où elle était encore capable de le faire. Donc, chez Sagan, il y a cette petite musique-là et qui, de mon point de vue, est souvent séduisante. C'est raté parfois, mais parfois, c'est sublime. En fait, ce qui est fascinant, c'est que cette petite musique en énerve certains. Tout à fait. Mais ceux qui l'apprécient, l'apprécient pour, justement, la musique de ses mots. Revenons au parcours et à la légende. Elle est donc, avec le succès de Bonjour Tristan 154, propulsée dans la gloire et la richesse. Et vous l'avez un peu évoqué, mais il y a une équation directe. Cette reconnaissance, cette richesse, cette gloire vont la pousser, et c'est dans sa nature, aux pires excès. Tout à fait. Drogue, alcool, une vie désorganisée, dissolue, qui va uniquement être structurée par la littérature. D'ailleurs, elle disait, pour construire ma vie, les seuls repères, ce sont l'apparition de mes livres. Alors, c'est une femme qui va se marier deux fois à deux hommes qu'elle n'aimera pas. Pas vraiment. Enfin, le premier, oui, Guy Scholler est l'éditeur, mais ça va durer à peine deux ans. Et le deuxième, c'est un Américain, un ancien de l'armée américaine qui est homosexuel. Elle le sait, mais elle veut un enfant et elle considère que c'est l'homme parfait pour avoir un enfant. Elle va se marier avec lui en accord avec ses convictions bourgeoises. Mais en fait, ça va être un peu l'auberge espagnole parce que en même temps qu'elle aura son enfant, elle va déjà avoir des relations homosexuelles et elle va vivre tout près de Robert Westhoff, qui est le père de son fils Denis, qui lui va vivre avec son amant et ils vont passer leur temps à se fréquenter comme ça. Mais à l'époque, dans les années 60, c'était loin d'être fréquent. Là. C'était pas aujourd'hui, on parle des familles recomposées, reconstituées, mais à l'époque, François Sagan vivait ça, mais sans brandir de drapeau. Oui. Donc, elle avait cette espèce de liberté aussi de le faire, du fait qu'elle était très riche. Avec ses excès qui s'expliquent aussi par sa nature, mais on ne l'a pas mentionné, mais un accident de voiture très grave en 57, tout à fait, qui va vraiment faire basculer sa vie dans la drogue, entre autres. C'est là que... Oui, tout à fait, parce qu'elle aura un accident de voiture absolument tragique, qui, en fait, elle sera entre la vie et la mort. et on va lui donner un dérivé de morphine pour soulager ses douleurs. Mais à partir de 57, elle va devenir dépendante. Ouais. Et cette dépendance, cette toxicomanie va beaucoup définir sa vie pour la simple et bonne raison que tout l'argent qu'elle dépense, elle va en fait, ça va passer dans la drogue. Mm-hmm. Et tout ça, elle va écrire des livres pour payer ses dettes. Le fisc français sera après elle pendant des années. Elle sera ridiculisée, méprisée parce que sa dépendance va en faire une femme de plus en plus caricaturale. Ouais. Elle va avoir de plus en plus de difficultés à s'exprimer publiquement parce que tout son côté un peu « je bafouille et je regarde un peu par terre ». Bon, c'est un côté un peu comique, mais en même temps, ça témoigne aussi de sa dépendance. Mm-hmm. Et ça va ajouter au malheur de son existence. Et puis, il y a ce mystère qui persiste, pour moi, en tout cas, André Lavoie, c'est devant cette femme mariée deux fois, devant cette femme qui a une vie complètement dissolue, cette incapacité qu'elle aura toute sa vie de vivre ouvertement son orientation sexuelle. Elle est 20 ans, plus de 20 ans, avec Peggy Roche. Mm-hmm. Elle le cache. Pourquoi? Elle vient d'un milieu bourgeois, on l'a souligné, et une des grandes valeurs de la bourgeoisie, c'est la discrétion. C'est pour ça qu'elle s'est mariée. C'est pour ça qu'elle n'est jamais devenue une militante de la cause homosexuelle. Elle n'a jamais voulu faire étalage de ses amours-là. Mais tout le long de sa vie, il y aura des femmes très présentes. Annick Jay, un écrivain qui va aussi beaucoup parler, après sa mort, de sa relation avec Françoise Sagan. Peggy Roche, qui est un mannequin, qui a travaillé chez Givenchy et qui est devenu designer par la suite, et que Sagan va énormément aider pour la conception de ses collections. Et beaucoup de gens disent aussi que Sagan, lorsqu'on était devant elle, on avait l'impression qu'il n'y avait que nous qui comptait. Et dès qu'on quittait la pièce, elle nous oubliait. Donc, pour elle, ça faisait partie de son manège, de ses artifices, de son désir à la fois de montrer un personnage public qui, d'une certaine façon, faisait son affaire, mais de l'autre, aussi publique était-elle, aussi médiatisée, je veux dire, les paparazzi lui ont couru après pendant des années, elle avait un côté d'elle extrêmement secret, justement parce que c'était une personnalité publique. Qu'est-ce qui reste d'elle aujourd'hui? Il reste une œuvre malheureusement éparpillée et son fils Denis, qui a hérité de toutes ses dettes, et elles sont nombreuses, s'affaire avec beaucoup d'acharnement et de respect à ramasser son œuvre qui est dispersée entre plusieurs éditeurs pour faire en sorte que cette petite musique-là survive et que François Sagan ne soit pas qu'un certain souvenir, mais qu'on garde le meilleur souvenir de cet écrivain qui a fait quelques livres, à mon avis, remarquables, dont justement avec mon meilleur souvenir, qui est certainement un de ses plus beaux. André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir, on l'a compris, grand fan et amoureux de Françoise Sagan. Merci infiniment. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.